Lettre 56, la présidente de Tourvel au vicomte de Valmont. À quoi vous servirait, monsieur, la réponse que vous me demandez? Croire à vos sentiments, ne serait-ce pas une raison de plus pour les craindre? Et sans attaquer ni défendre leur sincérité, ne me suffit-il pas? Ne doit-il pas vous suffire à vous-même de savoir que je ne veux ni ne dois y répondre? Supposez que vous m'aimiez véritablement, et c'est seulement pour ne plus revenir sur cet objet que je consens à cette supposition. Les obstacles qui nous séparent en seraient-ils moins insurmontables? Et aurais-je autre chose à faire qu'à souhaiter que vous puissiez bientôt vaincre cet amour, et surtout à vous y aider de tout mon pouvoir, en me hâtant de vous ôter toute espérance? Vous convenez vous-même que ce sentiment est pénible quand l'objet qu'il inspire ne le partage point. Or, vous savez assez qu'il m'est impossible de le partager. Et quand même ce malheur m'arriverait, j'en serais plus à plaindre, sans que vous en fussiez plus heureux. J'espère que vous m'estimez assez pour n'en pas douter un instant. Cessez donc, je vous en conjure, cessez de vouloir troubler un cœur à qui la tranquillité est si nécessaire. Ne me forcez pas à regretter de vous avoir connu. Chérie, et estimée d'un mari que j'aime et respecte, mes devoirs et mes plaisirs se rassemblent dans le même objet. Je suis heureuse. Je dois l'être. S'il existe des plaisirs plus vifs, je ne les désire pas. Je ne veux point les connaître. En est-il de plus doux que d'être en paix avec soi-même, de n'avoir que des jours sereins, de s'endormir sans trouble et de s'éveiller sans remords? Ce que vous appelez le bonheur n'est qu'un tumulte des sens, un orage des passions dont le spectacle est effrayant, même à le regarder du rivage. Et comment affronter ces tempêtes? Comment oser s'embarquer sur une mer couverte des débris de mille et mille naufrages? Et avec qui? Non, monsieur, je reste à terre. Je chéris les liens qui m'y attachent. Je pourrais les rompre, que je ne le voudrais pas. Si je ne les avais, je me hâterais de les prendre. Pourquoi vous attacher à mes pas? Pourquoi vous obstiner à me suivre? Vos lettres, qui devaient être rares, se succèdent avec rapidité. Elles devaient être sages, et vous ne m'y parlez que de votre fol amour. Vous m'entourez de votre idée plus que vous ne le faisiez de votre personne. Écartée sous une forme, vous vous reproduisez sous une autre. Les choses qu'on vous demande de ne plus dire, vous les redites seulement d'une autre manière. Vous vous plaisez à m'embarrasser par des raisonnements captieux. Vous échappez aux miens. Je ne veux plus vous répondre. Je ne vous répondrai plus. Comme vous traitez les femmes que vous avez séduites. Avec quel mépris vous en parlez. Je veux croire que quelques-unes le méritent. Mais toutes sont-elles donc si méprisables? Ah, sans doute, puisqu'elles ont trahi leur devoir pour se livrer à un amour criminel. De ce moment, elles ont tout perdu, jusqu'à l'estime de celui à qui elles ont tout sacrifié. Ce supplice est juste, mais l'idée seule en fait frémir. Que m'importe, après tout? Pourquoi m'occuperais-je d'elle ou de vous? De quel droit venez-vous troubler ma tranquillité? Laissez-moi. Ne me voyez plus, ne m'écrivez plus, je vous en prie, je l'exige. Cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi. Ce 5 septembre 1700.